Yeah. FRG, yeah. Manque d'amour. Moi mes proches, c'est pas ça, y'a pire, je le conçois. C'est sûr, en même temps, je me rappelle quand j'étais au foyer de cet enfant qui ne voulait pas que je vienne avec eux. Et la petite qui lui dit à sa maman, c'est ma maman. Elle lui agrippe à la main. Je me sens aujourd'hui comme quelqu'un sans parents. Les miens ne sont pas morts, mais c'est comme si mon enfance n'est pas jolie, je sais, c'est ma vie. C'est ma bataille, mon rêve d'aller en famille d'accueil comme celle d'Amandine, mon ex. Quelle chance pour elle, je crois bien que je l'envie. Je crois bien que c'est mon défaut, manquer d'amour et de sentiments. Je crois bien que je le reconnais, tu sais. Mais bon, voilà, c'est comme c'est. Une famille comme celle d'Amandine, je ne savais pas que ça existait. À sa place, je serais fier parce que je ne connais pas la relation entre fils et mère. Alors si je te parle comme ça, maman, c'est que ton alcoolisme ne nous a pas aidés, moi et mes frérots. Alors cher poteau de la liberté, je vous comprends, on est tous dans la même merde. Une famille bien, c'est tout ce qu'on rêvait d'avoir. Mais la vie juge autrement et j'espère que mon parent, je le serai un jour. C'est pour les enfants de la DAS que je dédicace ce morceau. Parce qu'un enfant, ça a besoin de toute l'attention. Parent exerce un rôle important, c'est normal. Un gosse, c'est comme sa propre vie. On lui transmet un savoir qui lui servira dans sa propre vie. Alors, chers parents indignes, écoutez ce que je veux dire. Une famille bien, c'est ça, frangin. C'est pas tous les jours qu'on avait le choix d'aimer. Alors, les gars, si vous avez des parents qui vous aiment, profitez. Mais n'oubliez pas vos origines, n'oubliez pas d'où vous venez. Même si nos parents ne sont pas ceux qu'on aurait voulu avoir, on n'a qu'une mère, on n'a qu'un père, ça reste nos parents. Ainsi chacun reste sur son vécu et aussi sur son enfance, car on représente ce qu'on est, c'est-à-dire soi-même. Alors je comprendrai que vous vous sentez malheureux, car moi-même, je suis mélancolique. On m'a dit souvent, Ferdi ne reste pas seul, mais la solitude est le seul remède à ma mélancolique. Reste cool, décontracté, voici FRG, un rappeur du 5-7, car ce son est pour toi, toi qui nous écoutes dans le monde. Dis-toi que dans la vie, les gens n'ont pas de chance, surtout des enfants, on profite de la maltraitance. Je viens avec ma zik, 5-7 pour la France et aussi pour le monde entier, car dans la vie, toujours réussir. Donc tu m'as compris, faire en sorte de réussir ta vie, ok. Ladies and gentlemen, faut me faire confiance et surtout comprendre. Imaginez des gosses africains qui n'ont rien de leurs mains, alors un petit morceau de pain. Voyez le sourire s'illuminer sur ces gosses affamés, alors grand, prends du courage et de ce pas, ne désespère pas. Si tu veux pas un jour devenir clochard ou chômeur, tu sais, Sarko il ne demande que ça, ou Ames il souhaite que la ville soit rasée par les cités. Ça veut dire dégage Borny. Alors mec, meuf, écoute ce son pour te faire comprendre. Zen, tu dois taffer et toute sécurité. Je te parle comme ça parce que d'autres n'ont pas cette chance. Pour les riches donner aux pauvres et que Sarkozy arrête ses bêtises en provoquant de la violence dans toutes les testies. Réfléchis bien garçon, fille, toi qui ne vois pas, qui ne vis pas sous l'influence d'une dictature, sous la violence de tes parents ou des gens de ta rue. Dis-toi bien qu'il y a des gens qui souffrent. Nombreux sont des enfants qui n'échappent pas aux guerres, qu'on leur inflige par des maladies qui ne jamais s'en finissent. Alors merci poteau, tu n'as pas pris la grosse tête. Ton nom sera gravé parmi les plus grands frangins. Et il faut écrire l'histoire, ton histoire à toi gamin. Et faut garder espoir et donner un avenir à tes projets, n'oublie pas tes origines, fais gaffe, ne devine pas ce que c'est l'argent. Et imagine-toi tous ces gens pour qui la vie est belle, pour toi je l'espère, comme la fée de la Mirabelle, où les miss ne sont que poussière, avant d'entreprendre un avenir, quelque chose de grand, d'important. Alors viens devenir quelqu'un de grand, frangin. Alors écoute bien, frangin, frangine, la vie n'est pas celle qu'on aurait voulu avoir, mais faut faire avec, sans passer par la castarac, sachant que d'autres eux finissent par la case hôpital, condamnés à patienter jusqu'à l'heure de leur mort ou de vivre tranquille encore dans la campagne pour ne pas être influencé par les lois de Sarko. Même la cité qui dans le cas contraire, la misère règne dans certains pays du monde. Et c'est FRG qui te le dit, prends ta destinée, choisis ton avenir car ton avenir est important. Car dans certains pays on leur laisse la chance de dealer de la drogue ou de se prostituer ou de vendre son corps. Ok, c'est vilain mais c'est ça l'humanité, c'est pas la vie d'un pauvre, c'est pas les jacuzzi des riches faisant partie d'un être de l'humanité. Je te promets après, clap de fin, coupé.